Une nouvelle drogue, la high-tech. Écoutez. Une nouveauté est encore sortie. On entend parler de la Google Car, une révolution dans l'automobile, et tout le monde s'émerveille face à ce petit cube sur quatre roues qui se meut tout seul dans la circulation, et la firme américaine de sortir les statistiques d'accidents de son nouveau-né en nous certifiant la preuve des chiffres à l'appui que sa voiture automatique est plus fiable qu'un conducteur humain. Que faire ? La technique est plus efficace que l'homme, elle le remplace. Notre rapport au monde se fera de plus en plus à travers la machine, notre dépendance s'aggravant par la même. La perte d'autonomie dans les besoins essentiels de l'homme comme se nourrir, boire, s'abriter, se déplacer, se soigner fait qu'une dépendance maladive, une intoxication high transforme l'homme en un junkie défendant et protégeant son dealer. L'image est parlante et dérangeante. La complexité et l'interdépendance des différentes économies basées sur la croissance rend le système actuel fortement instable. Ces causes d'instabilité comme la déplétion des ressources naturelles, la chute du TRE, la pollution, l'érosion des sols, le poids de la finance sont accentuées par le système lui-même. Sa complexité engendre un manque d'autonomie des personnes leur empêchant une remise en cause du dit système. C'est là où se joue le drame, car s'ensuit un emballement, une fuite en avant dans la certitude d'une science toute puissante pour régler les problèmes. On entre non plus dans un comportement rationnel mais dans une croyance. Les histoires que l'on raconte autour de nous ont colonisé notre imaginaire dans la résolution des problèmes par la science. Nous pouvons citer l'exemple d'Interstellar ou de la voiture électrique comme solution à la pollution automobile. Elle nous conforte dans l'idée qu'elle seule nous sauvera sans jamais remettre en cause notre mode de vie, de consommation et notre relation au monde. Un mot résume bien cela, il s'agit du progrès dans le sens, évolution régulière de l'humanité, de la civilisation vers un but idéal. À lui seul il incarne cette croyance aveugle et démesurée, car quand lorsque l'on utilise il décrit à chaque fois une nouveauté technique nous faisant croire qu'elle apporte un bienfait pour l'humanité. Le junkie demande une dose toujours plus élevée de drogue tout en se plaignant des douleurs qu'il ressent. Le dealer, qui est un homme intelligent et flexible, lui présente une nouvelle drogue qui lui donne les mêmes effets avec une nocivité moindre. Le plus cocasse dans cette histoire est qu'il n'a même plus besoin d'être rassuré, car tout ce qui est nouveau justifie à lui seul un progrès. Par cette image, on peut illustrer un principe qui rend néfaste toute nouveauté quand elle est intégrée dans un modèle expansionniste. Nous parlons ici de l'effet rebond décrit par l'économiste britannique William Stanley Jevon. Avec cette nouvelle drogue, le junkie va augmenter sa consommation de telle façon que son corps sera encore plus affecté qu'avec l'ancienne. Le but de cette courte présentation est de montrer que nous sommes des junkies de technologie avec une dépendance sans cesse croissante. Nous savons que nous entrons dans une période de forte instabilité et nous n'avons dans toute l'histoire de l'homme jamais été aussi dépendants pour satisfaire nos besoins primaires. Nous accélérons cet effondrement en ne remettant pas en cause notre mode de vie. La saigner pour soigner une hémorragie. Une demande de changement radical et difficile est coupée de toute réalité. Au lieu d'être contraint d'arrêter du jour au lendemain notre drogue, il nous faut réfléchir et repenser chaque action du quotidien pour améliorer notre indépendance et notre influence sur notre environnement. Les solutions existent, il ne manque que la volonté. Je vous cite. L'utilisation du vélo au lieu de la voiture. Consommer local. Favoriser la réparation des objets. Mettre un pull au lieu d'augmenter le chauffage. Limiter l'utilisation des hautes technologies comme les smartphones, les liseuses. Remettre en avant les goûts simples tels que la lecture, les jeux de société, jouer un instrument. Ce n'est qu'un début, car nous savons que les limites sont là et le changement sera beaucoup plus radical, mais en prendre conscience permettra d'avoir les bons comportements et de ne pas se retrouver dans la position de l'accusateur sans solution. Pour continuer sur ce thème, je vous propose de lire L'âge des low-tech de Philippe Biwix, édition Anthropocène Seuil. Les limites de la croissance, d'Onella Midhoff, Denis Midhoff, Georges Henrander, édition Rue de l'Échiquier. Comment tout peut s'effondrer, Pablo Servigne, Raphaël Stevens, édition Anthropocène Seuil. Le Grand Pillage, Hugo Bardi, édition Les Petits Matins. Un journal à consulter régulièrement, Bastamag. Vous écoutez les infos de Radio Parasite. Grosse bise numérique.